Ce matin, on va terminer ensemble l'introduction, vraiment, parce que c'était une longue introduction de 18 versets que l'apôtre Paul a donné dans l'Épître aux Romains avant de commencer à enseigner. Il leur exprime son cœur, il leur dit pourquoi il est là, il leur dit pourquoi il veut faire ces choses-là, pourquoi il veut être parmi eux autres. Et vous vous souvenez un jour que l'apôtre Paul a dit que les églises lui donnaient beaucoup de soucis. Vous vous souvenez d'avoir lu ce verset-là? Tout le souci qu'il y avait sur ses épaules des églises. Parce que je ne crois pas que c'était un souci négatif. Je ne crois pas qu'il se lamentait. Mais il dit qu'il y avait un souci bienveillant pour les églises qui étaient là parce que c'était souvent, ces églises-là étaient ses propres enfants spirituels. Il les avait conduits au Seigneur souvent. Il les avait fondés. Il avait travaillé avec eux autres des fois pendant un an, pendant deux ans. Il avait travaillé à la même église et pour les mettre des bons fondements pour eux autres. Et dans le livre des Actes des Apôtres, si vous voulez suivre avec moi, un jour l'apôtre Paul était pour quitter l'église, c'était la dernière fois qu'il le voyait. Il dit, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. » Il dit ça à l'église d'Éphèse. Il dit, « Vous ne verrez plus mon visage, je ne reviendrai plus parmi vous. Et vous tous au milieu desquels j'ai passé prêchant le royaume de Dieu. » C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et là, il dit ceci, et c'est ça qui le troublait, c'est ça qui, des fois, qui l'affectait, et qui lui donnait des soucis. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'était la crainte de Paul. Veillez donc, vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc l'apôtre Paul vit cette intensité-là. Il sait, en partant de l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Je ne pense pas que c'était un don de prophète dans ce sens-là qui voyait l'avenir, mais il connaissait le cœur humain. Il connaissait la réalité de la vie. Donc, l'apôtre Paul avait cette crainte-là, puis il aurait donc voulu faire autant qu'il pouvait pour les chrétiens. Et une des raisons qu'il a écrit les Épîtres, c'était pour continuer son travail, même s'il n'était plus là physiquement. Il a écrit beaucoup d'épîtres à des églises qu'il n'a jamais revues après, afin de pouvoir continuer son œuvre, de les garder des faux docteurs, de les garder de ces hommes qui se sont levés dans l'Église et qui ont entraîné l'Église. Et vous pouvez voir à travers l'histoire de l'Église, si jamais vous étudiez l'histoire de l'Église, ça s'est fait depuis 2000 ans, c'est comme ça. Les églises commencent dans une ville, dans un pays, dans une province. Elle est là, elle fonce, elle a la parole de Dieu, elle avance. Et avec les générations, une, deux, trois générations, l'Église est complètement des patates. Et Dieu commence une autre chose aux côtés. Puis il continue son œuvre, mais à travers une autre Église. Avec un autre nom, on pourrait dire. C'est la même Église sous le thème, c'est un autre nom. Il y a des églises des années 1750, 1800, 1850, qui étaient des églises très évangéliques, qui aujourd'hui sont complètement libéral, complètement loin de la vérité, qui ne prêche plus l'Évangile. Comment c'est arrivé? C'est pas arrivé d'un coup sec, hein, d'un matin à l'autre. C'est tranquillement des hommes, de ceux qui ont dans ces églises-là, des femmes qui enseignent, tranquillement, ils se sont éloignés de la vérité pour venir à une place qui n'avait plus de vérité du tout dans leur église. Je parle de vérité qui sauve, de vérité de salut. L'apôtre Paul, Il avait un désir dans son cœur. Il avait le désir d'aller voir les Romains. Je ne sais pas pourquoi il avait ce désir-là d'aller voir les Romains autant que ça. Probablement parce que L'Empire romain était... Rome était le centre de tout l'Empire romain. Savez-vous que dans le temps de Paul, toutes les, il y a un vieux dicton qui disait que tous les chemins mènent à Rome? C'était vrai? C'était une vérité, ça. Les routes romaines étaient toutes faites pour se rendre à la grande ville qui était Rome. Et l'apôtre Paul aurait donc voulu aller à Rome. Il désirait depuis des années aller à Rome. Mais il n'y allait pas. Il n'y allait pas. On va voir tout à l'heure dans le texte pourquoi il n'y allait pas. Mais il aurait voulu aller à Rome. Il aurait désiré aller à Rome. Et ceux qui connaissent un peu ces cartes-là, les cartes, ça c'est son premier voyage. Si vous voyez un petit peu le voyage de Paul, vous voyez quand il était à Antioche, quand il a commencé juste ici. Donc, il est ancien, puis il a fait son voyage. Ça, c'était son premier voyage. Il a implanté des églises dans ces différentes places-là. Il est revenu sur ses traces en parlant aux églises encore une fois, en stabilisant les églises, en les fortifiant. Ensuite, ça, il a fait son deuxième voyage. Et là, il a parti vers le nord, au place de partir vers le sud. Il a monté vers la Cilicie, vers la Syrie. Il a revisité, puis il a agrandi son territoire. Il a commencé d'autres églises. Mais en même temps, il a... Et quand, alors, j'ai lu, là, il était ici à Éphèse, quand il a parlé... 13, c'est la place où il a parlé aux gens, là, qui vont venir des faux docteurs parmi vous, des loups. Il était à Éphèse. Il retournait vers Césarée, vers Jérusalem. Puis quand il était à Éphèse avec les anciens et les évêques, il a parlé avec eux autres. C'est là qu'il était à ce moment-là. Mais il a continué son voyage, puis s'est en allé vers le 15, qui était Jérusalem. C'est là, à ce moment-là, qu'il dit, j'ai fait un vœu et je dois retourner à Jérusalem. Donc, il a fait un vœu. Il voulait retourner à Jérusalem. Et ça, c'est son troisième voyage. Il a encore une fois parti d'Antioche. Il a fait le tour. Et quand il était à Corinthe, en bas, Paul a écrit l'Épître aux Romains quand il était à Corinthe, au numéro 6. Et là, il leur parle qu'il va aller vers Corinthe, vers Rome. Mais là, avant, il s'en va. Il faut qu'il se rende à Jérusalem. Il faut qu'il se retourne à Jérusalem. Et donc, avant ça, il veut aller, là. Il veut s'en aller à Rome. Il avait toujours ce désir depuis des années. Il a son désir d'aller à Rome. Mais il sait pas vrai. Il sait jusqu'à certains points, parce qu'il dit en s'en allant qu'il va y arriver des malheurs. Il y a des prophètes qui l'avertissent. Il s'en va à Jérusalem, puis il y en a qui disent qu'il va mourir, qu'il va être attaché, qu'il va être emmené en prison. Mais il s'en va à Jérusalem quand même. Parce que, vous souvenez pourquoi il devait y aller cette fois-là? Il y avait une grosse offrande qu'il avait ramassée partout, puis il devait aller mettre de l'argent à Jérusalem. Et vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem, n'est-ce pas? Il a été mis en prison. Il a été arrêté pour des fausses accusations. Et avant de pouvoir repartir, il a été emmené comme prisonnier puis resté à Césarée de Philippe pendant 2 à 3 ans en prison. C'est là qu'il a écrit un paquet de ses épîtres pendant qu'il était en prison. Mais il voulait donc aller à Rome. Et on va voir tout à l'heure qu'il priait Dieu pour aller à Rome. Mais pourtant, c'est des années, puis il n'y allait pas. Il n'y allait pas. On va voir tout à l'heure pourquoi. Mais finalement, il va se rendre à Rome. Il va se rendre à Rome, il met les deux mains attachées. Les deux pieds attachés. Il va s'en aller, puis il va prendre... Vous souvenez qu'il va y aller avec un bateau, puis il va y avoir une méchante tempête, vous souvenez? Il va passer mourir dans le bateau. Mais finalement, il y a un ange qui apparaît, puis il dit, « Non, Paul. » Je t'ai dit que tu te rendrais à Rome et tu vas te rendre à Rome. Même si tous les événements de la vie semblent te dire que tu n'y irais pas, moi je te dis que tu vas y aller. Et finalement, il y a un petit bateau avance tranquillement, il s'en va. Et finalement, il se ramasse là. Finalement, il arrive à Rome, mais prisonnier. Et c'était pas ça qu'il avait comme intention. Hein? Des fois, Dieu nous dirige pas tout à fait comme on penserait. Il y a des idées à lui. Puis je vais vous dire quelque chose. Dieu ne change pas d'idée facilement. Dieu ne change pas d'idée facilement. Il y avait une idée avec Paul. Et malgré des fois tout ce que Paul a pu demander, tout ce que Dieu a dit, Paul il dit, Dieu dit, je vais t'emmener à Rome, mais quand ça va être mon temps? À ma manière, tu ne peux pas t'imaginer comment je vais t'emmener à Rome. Tu ne peux pas t'imaginer comment tu vas venir. Et Paul ne pouvait pas s'imaginer vraiment qu'il se ramasserait à Rome, mais prisonnier, pour une grande partie de sa vie, et finalement qu'il mourrait probablement là. Donc, dans ce sens-là, pourquoi est-ce que Paul... Lui, il ne va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche Paul de réaliser son projet? Tournez avec moi dans vos Bibles, chapitre Romains, chapitre 1, et on va être au verset 8. Merci. Romains 1, verset 8. Et on va lire ça, ce bout-là. C'est la fin de l'introduction de l'Épître aux Romains. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers est mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Ça fait longtemps, continuellement, il priait pour aller à Rome, hein, mais il se passait des années et des années sans qu'il puisse y aller. Car j'ai un vif désir de vous communiquer en quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons ensemble encouragés, au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Vous, il a fait souvent des projets, mais il y a quelque chose qui l'empêchait. Afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Voici la raison qu'il va dire. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Il y avait quelque chose qui le bloquait. Et Paul le savait, qu'est-ce qui le bloquait. Paul le savait pourquoi Dieu ne permettait pas tout de suite. Pourquoi il devait aller là. Il dit au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Dans ce qu'on vient de lire, quelle est l'impression que vous avez de ce que Paul pense de l'Évangile? Il a dit trois, quatre choses là, dans le texte qu'on lit. Comment il se sent face à l'Évangile? Comment il se sent face à ce qu'il a à faire comme ministère? Comment il se sent face à sa vie chrétienne? Il dit, à un moment donné, il dit, « J'ai un vif désir de vous communiquer l'Évangile. » Il avait une attitude dans son cœur, il dit, « J'ai un vif désir de vous communiquer l'Évangile. » Ailleurs, il dit un petit peu plus bas, « Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Je n'ai pas honte de ce que je vis. Je n'ai pas honte de ce que je proclame. Je n'ai pas honte de dire ce que je crois à tout le monde. Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Pourquoi il dit que je n'ai pas honte? Pourquoi il a ce vif désir? Parce qu'il comprend, parce qu'il sait, parce qu'il croit dans son fond intérieur que l'Évangile, c'est la solution aux problèmes de l'humanité. L'Évangile, c'est la solution à la vie chrétienne dans son entier. Il dit, je sais que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour la foi et par la foi. Il dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour les croyants et pour le croyant. C'est drôle qu'il dit ici, au début, quand j'ai lu les premières fois, il dit votre foi est recommandée, est reconnue ou est connue dans le monde entier. Hein, il y avait toute une réputation, cette église-là. Il dit, votre foi est connue dans le monde entier. Parce que Paul n'avait jamais été à Rome. Pourtant, il connaissait les Romains, l'église de Rome. Il dit, votre foi, on entend parler jusqu'ici. Puis là, ça trouve bizarre parce qu'il dit, « J'ai un vif désir d'aller parmi vous pour vous annoncer l'Évangile. » Je dis, « Voyons, mon Paul. » Donc, c'est des chrétiens, ça, t'es déjà. Pourquoi tu veux nous annoncer l'Évangile? Parce qu'il ne parle pas, il ne parle pas juste, « Je veux annoncer l'Évangile à Rome. » Il dit, « Je veux vous annoncer l'Évangile à vous, chrétiens. » Là, ça nous laisse un petit peu perplexes. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Vous savez, l'Évangile, c'est beaucoup plus large qu'on le croit. On a tendance, en tant que chrétien, de ramener l'Évangile à la justification de l'inconverti. On pense, décris-moi donc l'Évangile, on a tendance, en tant que chrétien, de dire, oh, l'Évangile, c'est Jésus qui est venu mourir pour nous sauver de nos péchés. On résume l'Évangile comme ça. Mais je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, mais c'est beaucoup plus large que ça, l'Évangile. Je vais passer des années avec vous autres, si Dieu le permet, puis tout ce que je vais faire, c'est vous enseigner l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est beaucoup plus large que juste la justification d'un inconverti. L'Évangile, c'est tout le Nouveau Testament, en entier. L'Apocalypse fait partie de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle. Ça fait toute partie de cela. Et l'apôtre Paul dit, j'aimerais aller parmi vous, parce que j'aimerais vous apporter l'Évangile. Parce qu'il sait qu'il y a peut-être que petites affaires que l'Église de Rome ne sait pas encore. Peut-être que petites idées à redresser dans ce qu'il avait entendu. Je ne sais pas. Mais il veut leur parler. Puis il sait, lui, s'il peut y aller. Et il a annoncé l'Évangile à l'Église. C'est la puissance de Dieu pour eux. Cet Évangile qui va leur proclamer va les aider dans leur vie. De tous les jours. Parce que dans le fond, nous, on pense qu'on doit annoncer l'Évangile aux inconvertis. C'est comme ça qu'on pense le plus du temps. Je m'en vais évangéliser. Mais pourtant, vous pourriez vous tourner vers votre conjoint et dire, j'aimerais ça t'annoncer l'Évangile. Puis ça serait vrai aussi. Ça serait vrai aussi. Parce que l'Évangile, c'est tellement large, c'est tellement ample dans la compréhension de Dieu, dans l'ensemble de Dieu. L'Évangile ne comprend pas juste la justification, elle comprend la sanctification, elle comprend la glorification. Elle comprend tout ça. On en parlait tout à l'heure un petit peu de ça aussi. Donc, l'apôtre Paul a ce désir, malgré qu'il sait que l'Église est dans un bon état, parce que sa réputation, il dit, vous avez une bonne vie d'Église, mais pourtant, il veut quand même leur annoncer l'Évangile. Mais vu qu'il n'est pas capable d'y aller, parce qu'il est à Corinthe, je vous l'ai montré, il est à Corinthe, il était des années d'aller à Rome encore, il ne sait pas encore, mais il était des années d'y aller. Et en attendant d'y aller, de là pour leur annoncer l'Évangile, il va annoncer l'Évangile aux Romains à travers l'Épître aux Romains. Il va prendre 11 chapitres. Pendant 11 chapitres, à partir du verset 18 qu'on va voir la semaine prochaine, à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre 10, il va leur annoncer l'Évangile de Dieu. En attendant de pouvoir y aller encore, de son vivant, en chair et en os, comme on dit en québécois. Mais il veut qu'ils entendent l'Évangile de par lui. Je ne sais pas si parce que Paul pense ou sait que jamais eu d'apôtres qui peut-être allé là. Il n'y a peut-être jamais d'apôtres qui sont allés à Rome. Fait que peut-être qu'il se dit qu'il manque peut-être des données là. Parce que vous savez que la Bible n'était pas écrite dans le temps là. Le Nouveau Testament n'était pas écrit encore complètement, du moins. Je ne pense pas même qu'il y avait peut-être quelques évangiles, peut-être l'Épître aux Galates, peut-être l'Évangile de Marc qui avait été écrit à ce moment-là. Donc, pas beaucoup d'écrits, puis elle ne se promenait pas encore, l'Évangile, là, sur papier. Donc, il dit peut-être qu'ils n'ont jamais eu d'apôtres, donc ils ne savent pas tout, je vais aller là pour les aider à comprendre l'ensemble. Mais il y avait ce vif désir-là. Et donc, c'est dans cette ambiance-là, c'est dans cette attitude-là de cœur que Paul va écrire l'Épître aux Romains. Et pendant les 10 chapitres qui s'en viennent, il va, lui, Paul, Dieu à travers Paul, à travers la Bible, à travers moi, à travers vous autres, il va annoncer l'Évangile à chacun de vous, puis moi. C'est à vous qu'annonce l'Évangile. Pensez-vous que vous avez besoin qu'on vous prêche l'Évangile? Ben oui, hein? On en a juste besoin. Donc on va essayer, pendant qu'on va étudier ça, on va essayer de remettre en question ce qu'on sait. On va laisser Paul nous dire si ce qu'on croit est correct. Comme il voulait faire avec les Romains. Comme il l'a fait avec cette église qui avait déjà une belle réputation. Cette église qui était déjà une église qui se répandait partout dans le monde. Il veut clarifier, il veut peut-être améliorer, si je peux appeler le mot, ou approfondir leur foi. On a vu que, je crois que l'idée de Paul, que j'ai faite depuis les deux premières études, puis cette dernière-là, c'est la vérité qu'on a dit, c'est qu'il nous faut toujours évaluer l'Évangile en lequel nous croyons. Il faut toujours évaluer. Et si vous vous évaluez personnellement, ou si vous vous évaluez en tant que couple ou en tant que famille, et si on s'évalue en tant qu'Église, on va transmettre à la génération qui vient un évangile plus clair, avec moins de défauts dedans, si je peux dire. Parce qu'on pourrait bien se laver les mains et dire, « Bien, ils ont la Bible qui s'arrange, ma foi. Ils l'ont, la Bible. C'est dans la Bible la vérité, donc on s'en lave les mains. On n'a pas besoin de se casser la tête. Tant que ça. » Mais ça, on ne peut pas faire ça. Ça sera simple, hein? Je pourrais tous vous donner chacun une Bible, dire, vous n'avez toutes de joie une, que le Seigneur vous bénisse. Lisez. Mais ça ne marche pas comme ça. J'aimerais m'encourager moi-même, et vous encourager tout aussi en même temps, de mettre dans votre vocabulaire cette petite phrase d'Adolphe Monod, avant de mourir, un grand enseignant des années 1780 à peu près, qui a dit sur son lit de mort, « Si j'avais une autre vie à vivre, je me méfierais plus de moi-même. » On a tellement confiance en nous-mêmes. On devrait se méfier un peu plus de nos idées un petit peu, des fois, spéciales. Puis dire, oui, la parole de Dieu est là. Et j'ai dit, hier, je parlais à la conférence, je disais, le bienfait de l'Église, comment j'ai besoin de l'Église pour me protéger de moi-même. J'ai rencontré quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, qui revenait de l'Ouest, et il s'est isolé de l'Église. Il croit, il a bien confiance en sa compréhension des choses. Il s'est éloigné de la vérité. Maintenant, il prêche la perte du salut. Il prêche toutes d'affaires qui ne sont plus des Écritures. Parce qu'il s'est isolé du restant de l'Église. Et moi, je dis qu'en québécois, il s'est ramassé dans la chambre, peut-être. Parce qu'il a cru qu'il était capable de s'en sortir par lui-même. Qu'il n'a pas besoin de l'Église. On a besoin de l'Église. Pas juste la petite gang qu'il y a ici, on peut mettre l'Église plus large. Quand ce matin, Lucie est partie avec un livre, que c'est un chrétien qui a écrit aux États-Unis, donc ce chrétien-là fait partie de l'Église. En lisant son livre, peut-être que le chrétien va l'adresser un petit peu. Ou il apprend des choses nouvelles. Elle a besoin de l'Église, elle aussi. Tout le monde a besoin de l'Église. Et l'apôtre Paul ici sait que les Romains ont besoin de lui pour garder le chemin de la doctrine le plus droit possible. Parce que Paul était un homme spécial, lui, parce qu'il était un apôtre qui avait vu Jésus-Christ avec ses propres yeux. Il avait eu des révélations que les autres n'avaient pas eues. La première chose qu'on a vue, c'est que pour tester, là je vais faire un petit résumé pendant une minute ou deux, pour tester l'Évangile, la première chose qu'il faut faire, c'est de regarder d'où est-ce que ça vient, ce que je crois. D'où est-ce que ça vient, ce que je proclame? L'apôtre Paul a commencé son épître en disant, « Paul, serviteur de Jésus, apôtre de Dieu, ou apôtre de Jésus-Christ. Ce que je crois, ce que j'enseigne, ce que je proclame dans le monde entier, est-ce que ça vient vraiment de ça? Et seulement de ça? » Il y a des associations missionnaires qui s'en vont dans des pays et qui prêchent beaucoup plus que l'Évangile à mon Dieu, personnellement. Ils prêchent de la tradition, ils prêchent de la culture, ils prêchent de la socialisation, je peux dire ça comme ça. Ils amènent plus que l'Évangile. Ils amènent leur bagage à eux autres de pays et ils veulent imposer ça sur les autres cultures. Un peu avec l'exemple de Hudson Taylor, je vous ai déjà dit que sa société missionnaire l'a exclu, l'a excommunié, si je peux dire, Hudson Taylor. Parce qu'il ne voulait pas imposer la culture anglaise aux Chinois. Et donc, il s'est transformé physiquement, il s'est habillé comme eux autres, il s'est fait une queue de cheval comme eux autres, puis il est rentré dans les pays, puis il a conduit des milliers d'hommes au Seigneur. Parce qu'il n'a pas voulu imposer sa culture aux Chinois. Ce qu'il voulait ramener, c'était l'Évangile, point. Des fois, on veut imposer nos façons de faire aux gens. Notre façon de vivre notre vie chrétienne, on veut l'imposer plutôt de prêcher l'Évangile. J'ai déjà dit à un homme, il dit, la foi que tu as, garde-la pour toi-même. Prêche l'Évangile, je t'en prie. Arrête de dire aux gens quoi faire. Prêche l'Évangile. Et puis, par l'Esprit de Dieu, et Jésus habitant dans leur cœur, né de nouveau, avec l'Esprit de Dieu, et tout aussi, ils vont pouvoir savoir comment appliquer la vie chrétienne. Ne dis pas ce qui n'est pas dans l'Évangile, puis n'en fais pas une règle d'Évangile, car ce n'est pas une règle d'Évangile. On va voir, mais qu'on passe dans Romains 14, où ce que l'Église de Rome avait un petit problème, c'est qu'il y avait un petit problème avec le manger. Hein? Vous vous souvenez? Épître aux Romains, chapitre 14. Mange pas de ça. Là, dis-moi, je dois manger de ça. Puis là, l'apôtre Paul les reprend et dit, hey, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de toujours garder ce que je prêche, ce que je crois en tant que personnellement. Est-ce que ça vient vraiment des Écritures? Ou bien non, ça vient de mon application des Écritures. Il faut faire une différence entre les deux. Parce que mon application n'est peut-être pas la même que l'autre va faire de la même vérité. La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'il faut tester le contenu de l'Évangile. Pas juste d'où est-ce que ça vient, mais le contenu. On a vu que le contenu devait être jumelé avec l'Ancien Testament, ne pas contredire l'Ancien Testament, il devait être de pair avec l'Ancien Testament, parce qu'il était basé là-dessus. On a vu que l'Évangile concerne un homme, Jésus homme, et aussi Jésus Dieu. Les deux doivent aller ensemble. Si ce n'est pas ça, l'Évangile, ce n'est pas autre chose qu'une personne. L'Évangile, c'est Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? L'Évangile, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Et on a tendance à vouloir, en tant qu'Église, à travers les siècles ou les générations, on a tendance à coller après Jésus un paquet d'affaires. On appelle ça de l'hommerie. On ajoute à Jésus des choses dans la vie chrétienne. Au lieu de s'en tenir seulement à Jésus, à la bonne nouvelle qui vient de Jésus. On a tendance à additionner. Et si vous lisez le Nouveau Testament comme moi, vous allez voir à tout bout de champ que les apôtres parlent aux églises et disent « Ah, attention, ça ne vient pas de Dieu, ça. Ça vient des hommes. Hein. » Ils sont obligés de clarifier à tout bout de champ. « Ah, attention, vous avez additionné ça, là. Vous avez additionné ça, là. » Donc, la troisième chose qu'on a vue, c'est qu'on doit tester en regardant si l'Évangile qu'on prêche, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-tu Dieu qui œuvre dans la personne? Est-ce que c'est Dieu qui dit, on a vu que vous êtes les bien-aimés de Dieu? Vous avez été appelés par Dieu. L'Évangile, c'est l'œuvre de Dieu dans un incroyant qui le prend et l'amène à comprendre l'Évangile, l'amène à comprendre qu'il est pécheur. C'est Dieu qui l'amène à comprendre qu'il doit se convertir. C'est Dieu qui lui donne la force de croire. C'est Dieu qui donne la force de marcher. C'est lui qui crée en lui le vouloir et le faire. L'Évangile, c'est l'œuvre de Dieu dans le croyant. Si on se met à dire que c'est le croyant, on s'éloigne. Pendant toute ma vie chrétienne, si lui arrête de fonctionner, moi je tombe à terre. D'accord avec ça? S'il arrête de fonctionner en moi, s'il se retire de moi, ne cesse que pour quelques minutes, l'Esprit de Dieu, la force de Dieu, la vie de Dieu, on tombe tout mort à terre. Spirituellement parlant, du moins. L'Évangile, c'est l'œuvre de Dieu en vous. Puis quand vous proclamez, quand je proclame l'Évangile, il faut que ça ressorte, ça. Ce n'est pas tu, toi, tu vas faire ci, fais pas ça, va là, fais ci. Faut pas que tu parles, toi. Faut plutôt s'encourager mutuellement à regarder vers le Seigneur. Encourager chacun de nous à regarder vers ce que Jésus-Christ est en train de faire dans notre vie. Pendant des années de ma vie, j'ai prêché aux chrétiens ce qu'ils devaient faire, puis devaient faire, puis devaient faire. J'en suis triste aujourd'hui. J'aimerais, pendant les années qui viennent, vous enseigner ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Le fardeau est beaucoup moins pesant. C'est beaucoup plus pour nous porter à la louange quand on est en train de regarder ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Parce que l'Évangile, c'est son œuvre en vous. Ce n'est pas votre œuvre, l'Évangile. C'est son œuvre. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans les versets qu'on a étudiés. Et ce matin, on va additionner le dernier, les effets de l'Évangile. Si vous croyez à la vraie Évangile, si je crois à la vraie Évangile, je vais voir les effets. Si je plante un pommier, mon petit pépin, là, James me donne un petit pépin, puis François, tu as un pépin de Macintosh. Puis là, je plante mon petit pépin de Macintosh dans mon jardin, puis là, je regarde qu'est-ce qui va sortir au bout de X années, et quelle sorte de pomme va sortir. S'il sort des pommes blanches, je vais dire, pauvre James, c'était pas des Macintosh, c'était des pommes blanches. Par les fruits, par les effets, je vais voir si l'Évangile, c'est la vraie Évangile. Si le pépin que j'ai mis là, c'était vraiment un pépin de Macintosh. L'Évangile que je crois a des effets. dans l'être humain, dans le croyant. Si ça ne fait pas ces effets-là, je dois m'interroger. Mais comment ça que je dis que je crois à l'Évangile, mais ça ne fait pas les effets que Paul dit? Et je veux juste mentionner quelques idées. Il dit au verset 17, l'Évangile révèle quoi? Verset 17. L'Évangile révèle la justice de Dieu. Donc, plus vous allez étudier l'Évangile, plus vous allez comprendre l'Évangile, plus vous allez découvrir, premièrement, la justice de Dieu. Vous allez découvrir à quel point Dieu est juste. Vous ne pouvez pas proclamer l'Évangile à qui que ce soit sans, premièrement, que ça lui montre, cette personne-là, que Dieu, le Dieu de l'univers, est un Dieu juste. Si, ce n'est pas un Dieu gâteau. Ce n'est pas un Dieu qui laisse passer tout. Ce n'est pas un Dieu qui est tellement bon, Dieu, on va tout aller au ciel. Ce n'est pas l'Évangile, ça. L'Évangile, c'est un Dieu qui est juste. Et il est juste parce que la façon qu'il réagit au péché, Dieu est juste. La façon qu'il parle du péché, on voit la justice de Dieu. On voit que Dieu est incapable de laisser passer le péché. Il est incapable de laisser passer le pécheur et dire, « Ah, ben, c'est pas grave, c'est pas de sa faute, c'est sa faute de ses parents, c'est la société. Ah, oh, ben, c'est pas grave. » Non, Dieu n'est pas capable de faire ça. L'Évangile, la première chose qu'elle va révéler, c'est la justice de Dieu. Non, plus je vais étudier l'Évangile, plus je vais voir un Dieu juste. Plus je vais goûter la justice de Dieu. Et en étudiant l'Évangile, je vais découvrir comment Dieu, dans sa justice, peut justifier le pécheur en restant juste. Parce que si un juge ne condamne pas un coupable, il devient lui-même injuste. Et comment Dieu était pour s'y prendre, pour ne pas punir le coupable, et tout de même le justifier, et lui restant juste. C'est ce que Paul va parler dans les premiers chapitres de son épître. Il va dire, je vais vous montrer comment Dieu peut rester juste, tout en justifiant le coupable. Ça, c'est un tour de force. Jésus qui peut faire ça. Parce que vous et moi, si on justifie un coupable, on devient nous autres injustes. Et l'Évangile, ça fait ça. Deuxièmement, ce que l'apôtre Paul dit, au verset 16, il dit que l'Évangile sauve. La vraie Évangile sauve. Elle délivre, elle libère. Elle sauve l'inconverti, mais elle sauve, elle continue à sauver le croyant. Vous vous souvenez, je vais déjà une fois, j'étais dans un congrès à Halifax, on était 700-800 pasteurs, et l'invité, le monsieur qui est M. Redmaker, il me semble qu'il s'appelait le monsieur, il est à 9 ans, puis nous, on est tous assis là, les gars puis les femmes, qui 700-800, puis là, il se lève pour prêcher, et il se penche la tête, il dit, courbons nos têtes, prions avant de commencer, puis là, il dit, Seigneur, sauve-moi, Amen. Bon, mais tout le monde se relève la tête, puis là, seulement, qu'est-ce qui se passe? Le prédicateur n'est même pas sauvé. Il a pendant son enseignement, il nous a montré qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. L'Évangile est encore en train de vous sauver, savez-vous ça? Il est encore en train de vous délivrer. L'Évangile veut encore vous libérer. Elle veut vous emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ, l'Évangile. Donc, je pourrais vous dire ce matin, je pourrais vous dire, le Seigneur est en train de nous sauver, et ça serait vrai. Le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur est en train de me sauver, et le Seigneur me sauvera. Qui va m'emmener au ciel. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible différents temps de verbes de même quand il parle du salut. Parce que l'Évangile, ça comprend tout ça. L'Évangile, ça sauve, ça libère les gens. Quand vous partez pour aller évangéliser ou que vous voulez parler de l'Évangile à quelqu'un, un frère, une femme, un enfant, quand vous voulez, le désir de votre cœur, c'est de sauver, c'est de délivrer, c'est de libérer. Ce n'est pas de mettre sur un joug. Ce n'est pas d'amener dans une église. C'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est de sauver la personne, libérer la personne. C'est comme toi, tu étais sorti de l'esclavage et tu vas vers des esclaves et tu veux les libérer de l'esclavage. Et il dit, la vraie Évangile sauve, libère, délivre. Vous manquerez avec les années. Hier, j'ai parlé dans l'église de Pont-Rouge et combien de personnes sont venues me voir après. Puis qui m'ont dit, mon ami, qu'on était-tu avant ça légaliste? Combien de chrétiens sont venus me voir et me dire, mais combien on s'est fait mettre des lois sur le dos par des gens? Dans l'Église. des règles humaines. La tendance de l'être humain pécheur, c'est de toujours additionner des règles et des lois. Toutes les religions du monde, c'est ça, des règles et des lois, vous savez ça? Donc la tendance de l'être humain, c'est toujours de rajouter un petit peu plus que le Seigneur a dit. Mettre une règle ou une loi de plus. Et on est toujours en train d'additionner des commandements que le Seigneur n'a jamais donné vraiment. Et ça sauve, ça libère, ça délivre. Si ça ne fait pas ça, ce n'est pas l'Évangile. Si ça met un fardeau, si ça met un joug chez les gens, si ça met des lois sur le monde, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile délivre, sauve. Une autre chose au verset 11, il dit que l'Évangile affermit et fortifie. Paul dit, j'aimerais aller parmi vous et de partager avec vous l'Évangile afin de vous affermir, de vous fortifier. Et si vous avez le temps cette semaine, prenez votre livre, votre Bible dans les Actes des Apôtres et cherchez le mot « affermir » et le mot « fortifier ». Et constamment l'apôtre Paul et Barnabas et les autres qui passent, ils fortifient l'Église en prêchant l'Évangile. Plus je vais vous prêcher l'Évangile, plus vous allez partager l'Évangile entre vous, dans son ensemble, plus vous allez devenir fort et affermi. Et plus vous allez devenir fort et affermi, plus votre vie chrétienne va être heureuse, si je peux dire ainsi. L'Évangile, ça l'affermit, ça fortifie, ça ne l'assomme pas. Ça ne l'assomme pas. Ça n'écrase pas les gens. Ça délivre les gens. Une autre chose que Paul dit un peu plus bas, au verset 12, il dit que l'Évangile encourage les gens. Il dit ça, j'aimerais ça, de vous encourager. Qu'on s'encourage mutuellement à continuer avec le Seigneur. Et des fois, ce que j'entends, peut-être, ou ce que j'ai vécu moi-même dans ma propre vie chrétienne, j'ai découragé les gens plutôt que les encourager. J'ai mis des fardeaux sur leur dos en leur disant qu'ils n'étaient pas assez bons chrétiens, puis t'as pas ci, puis t'as pas ça, puis faisais pas ci, puis faisais ça, puis ah, t'as un péché dans ta vie, blablabla. On les a découragés au lieu de les encourager à fonctionner. Vous sentez-vous ce matin que vous avez besoin d'être encouragé dans votre vie chrétienne? On a besoin de s'encourager mutuellement, à continuer à marcher dans les voies du Seigneur. Je crois que c'est une des choses que Dieu fait. Il dit ensuite que l'Évangile, la vraie Évangile, c'est une puissance. Une puissance. C'est la puissance de Dieu dans votre vie, dans ma vie. Pas pour faire toujours ce que je pense, mais c'est une puissance pour accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Pas pour accomplir tout le temps ce que je voudrais faire, mais pour accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Il y a une puissance à l'œuvre dans votre vie, dans chacun de vos cœurs. Par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit qui travaille, Dieu va accomplir en vous son œuvre. Et chacun d'entre nous, peu importe ce que vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous êtes, si Seigneur Jésus venait tous nous chercher aujourd'hui, comme il sort vite demain, on tomberait tous comme Jésus-Christ ensemble. Pas un plus, pas un moins. Nous serions tous transformés à l'image de Jésus-Christ parfaitement. Toute la gang. Peu importe la vie chrétienne que vous avez faite. Peu importe comment ça fait tant que vous êtes là. Que ça fait 30 ans que vous êtes chrétien ou deux jours que vous êtes chrétien. Vous seriez transformés par Jésus-Christ comme j'ai parfait. Ouais, mais c'est pas juste. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait ça. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez la parabole des deniers? Il dit, si je veux donner un denier à tout le monde, même si ça fait juste une demi-heure que je travaille, tu m'en veux-tu que je sois bon? Hein? J'ai dit ça, tu m'en veux-tu que je sois bon? Vous pouvez regarder à l'entour de vous et dire, oh, ce chrétien-là, il ne fonctionne pas bien, mais mec, le Seigneur vient le chercher, il va le transformer en Jésus-Christ aussi, vous savez? Ben, pareil comme toi. Pas plus, pas moins. Nous, on se compare, on s'analyse, on se regarde, mais dans le fond, Jésus, mais qui vient nous chercher, et il va nous transformer toute la gang. Donc, le Seigneur puisse nous aider à s'asseoir et à évaluer. À évaluer ce que nous croyons. Je marque, ce que nous croyons ne doit être rien d'autre que la parole de Dieu. Ce que nous y ajoutons vient du malin. Ça peut être bien beau, mais c'est pas l'Évangile. Ça peut être très bien, humainement parlant, mais c'est pas l'Évangile. Je n'ai pas besoin de le rajouter. Je peux dire, moi, je fais ça, mais si ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas l'Évangile. Mon travail et votre travail en tant que chrétien, c'est proclamer l'Évangile. Pas ce que je fais de l'Évangile. Pas comment j'applique l'Évangile. C'est proclamer l'Évangile. Ça, c'est notre travail. Et en dernier, j'ai marqué, l'Évangile est la bonne nouvelle de Dieu et non un paquet de règles. Et non un paquet de règles. Et non un paquet de choses à faire ou à ne pas faire. L'Évangile, c'est une personne qui veut avoir une relation avec toi. L'Évangile, ça se résume de même. Je me souviens, un jour, j'étais assis en train de jouer du tennis à la salle. Puis il y avait une dame assise avec moi. Et elle se retourne vers moi et elle me dit, « François, elle dit, moi, je suis contre ça, les religions. Je déteste les religions. » Je dis, « Pourquoi? » Elle dit, « J'ai des clients, parce que tu es psychologue. » Elle dit, « J'ai des clients, puis je vois tout le mal que ça fait aux gens, les religions. » Puis j'ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit, « Je suis bien d'accord avec toi. » Je suis en plein d'accord avec toi. C'est ça que ça fait les religions. Ça détruit le monde. Elle me regarde, « Ben voyons. » Elle dit, « T'en pratiques une religion, toi? » Là, elle ne comprenait pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, « Non, non, tu ne comprends pas bien. » Elle dit, « Que moi, ce que j'ai une relation avec un être invisible. » C'est la seule différence. Il y a une personne qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Dieu, il est invisible. J'y parle, il me parle. C'est ça, ma vie chrétienne. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est une relation avec quelqu'un qui est invisible. C'est tout. Elle dit, hein? J'ai jamais entendu ça. C'est simple, hein? C'est simple, la vie chrétienne, hein? C'est une relation que tu as avec un être qui est invisible. C'est tout. C'est ça, la vie chrétienne. Et cette relation-là que tu as avec Jésus-Christ va te pousser à avoir des choses à faire ou à pas faire, ou des choses que tu veux faire ou pas faire, toi. Mais laisse à l'autre le privilège, dans sa relation avec le Seigneur, de vivre sa foi comme il pense. Ne l'oblige pas à vivre sa foi comme tu la vis la tienne. Parce que c'est pas toi. Moi, je suis pas toi. Toi, t'es pas moi. Laisse-le. Encourage-le dans sa relation avec le Seigneur. Aide-le dans sa relation avec le Seigneur. Mais laisse-le vivre les résultats de ça comme il le veut bien. Laisse-les appliquer ça comme il veut. Parce qu'il n'est pas toi. Il n'a pas le même caractère que toi. Il n'a pas le même âge que toi. Il n'a pas la même éducation que toi. Il n'a pas le même quotient intellectuel que toi. Laisse-les vivre comme il veut. Ça, c'est l'Évangile. Mais quand tu commences à vouloir m'appliquer à moi ta façon d'interpréter, là, tu as un problème. Puis moi, j'ai un problème aussi. Qu'est-ce que ça peut nous guider dans les mois qui vont venir? Je vous encourage. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour chacun de nous. Que pendant les mois qui viennent, on puisse réévaluer tout ce que nous avons entendu, voir si ça fit bien avec ce que Paul dit dans les 9 chapitres qui vont venir, les 10 chapitres qui viennent. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que tu es un grand Dieu. Ô combien j'aime et j'adore ta simplicité, ton intelligence, ta sagesse spirituelle. Comment je suis impressionné que ton livre s'applique dans tous les siècles, dans tous les âges, dans toutes les générations, dans toutes les cultures, dans toutes les races. Chacun peut prendre ce livre ou cette relation avec Jésus-Christ et l'appliquer là où il est. Aucun autre homme, aucune autre femme n'a écrit un livre semblable. Peux-tu, Seigneur, dans les semaines et les mois qui viennent, nous aider, si je peux le dire ainsi, à purifier tout ce que nous connaissons, à réévaluer tout ce que nous connaissons, afin que l'Évangile que nous croyons, l'Évangile que nous proclamons, soit le plus juste possible, afin qu'elle agisse dans la vie des gens. Et c'est au nom de ton Fils que nous te prions. Amen.